La Comtoise par Jules Lhermina. Elle était superbe avec sa caisse ouvragée, avec son large cadran où les heures se détachaient en chiffres d'émail, avec son disque de cuivre brillant comme l'or, passant et repassant devant l'ouverture garnie d'un disque de verre. Tous ceux qui l'apercevaient à travers la vitrine de l'horloger Piret tombaient en arrêt et ils se formaient d'un rassemblement à sa porte. L'horloger Pierre était un homme encore jeune, dans les 30 ans, pourtant triste et peu causeur. C'est qu'aussi il y avait une grande douleur dans sa vie. 7 ans auparavant, alors qu'il était au service, son père avait été assassiné en cette boutique même qu'il occupait aujourd'hui. Il avait appris l'horrible catastrophe au régiment et était accouru. Quel était l'assassin? Sur qui vengeait le vieillard qui n'avait jamais fait de mal à personne et qui lui avait fait tant de bien à lui? La justice n'aimait rien trouver, quoique l'assassin eût dérobé une somme de 10 000 francs, amassée sou à sou par le père pour son fils. Toutes les recherches avaient été vaines. Pierret avait achevé son temps de soldat. Puis libéré du service, il était revenu s'établir dans la maison de l'assassiné, ayant pris sans doute vaillamment son parti et ayant chassé le souci par le travail. Seulement il était clair que son chagrin le rongeait. On le voyait, à la nuit close, rôdé par le village, comme s'il cherchait quelqu'un. Ce quelqu'un-là, bien sûr, c'était le criminel. Mais il s'était trop bien terré pour qu'on le découvrît. Et le temps avait passé, semaines, mois et années. Nul n'y songeait plus, sauf l'orphelin, certainement. Et l'autre aussi, l'inconnu qui devait se souvenir. Tout récemment, Pierret, grand liseur de journaux, était allé à Paris, et y avait passé quelques jours pour des achats. Or, il avait rapporté cette Comtoise, vrai chef-d'œuvre, et qui faisait envie à tout le monde. On aime en province les meubles lourds, solides, cossus, et de fait, la caisse du cadran était d'une ampleur peu commune. Mais combien cette merveille pouvait-elle coûter? « Entrez, messieurs, » dit simplement Pierret aux gens qui se pressaient devant sa boutique. Alors, ce furent des exclamations, des éloges à n'en plus finir. « Et cela vaut, dame, un peu cher, mais encore, 100 écus. » Alors il eut un cri de désappointement. Certes, la Comtoise valait cela, étant très belle et unique, affirmait Pierret. Mais 100 écus, pour une horloge, est-ce qu'elle sonnait? Certainement, écoutez. « Mais personne ne m'achètera cela ici, dit Pierret. J'ai bien peur d'avoir fait une sottise. » « Personne, c'est selon, Pierret. Nous ne sommes pas si riches. « Mais il y a ici quelqu'un. Vraiment? Qui? Hé, hey, Locard, le beau Locard, qui va se marier et ne regarde pas à l'argent. Si vous voulez lui en toucher un mot, volontiers, qui sait, en le prenant par l'orgueil, vous me rendriez un fier service. » Jacques Locard n'était pas très aimé pour plusieurs raisons. D'abord, il avait fait trop soudainement fortune. Il lui était tombé du ciel par l'entremise d'un notaire. « Oh, pas d'ici, de là-bas, au-delà des montagnes. » Un héritage qui, tout de suite, l'avait mis à son aise. Et il l'avait arrondi dans des affaires où il y a toujours un bolet. Pas souvent le prêteur. Il avait eu de la chance et en montrait trop de vanité. Il écrasait le petit monde, faisait parade de son argent, sans compter que très dépensé quand il s'agissait de lui, il était très serré quand il s'agissait d'autrui. N'importe. Il parlait haut, portait beau par les rues, buvait sec et avait sa cour. Quand on voulait dénouer les cordons de sa bourse, pour un bol de punch ou une fiole de champagne, on ne savait par où le prendre. Un homme comme lui, le roi du pays. Il dodelinait de la tête et se laissait empaumer. Pourquoi, une fois par hasard, ne pas jouer de sa vanité, pour lui soutirer une bonne action? Pierret était intéressant. Locard ne lui aurait jamais donné sa montre à repasser. Il ne daignait même pas regarder sa boutique. Il le méprisait, quoi. Parce que la fortune avait tourné, et que, pauvre autrefois, il était riche, tandis que Pierret, dépouillé de tout par un crime, en était réduit à ne vivre que de son travail. Attends un peu. La chose se manigança au café de la Grand Place, à l'absinthe. Ce ne fut pas si facile qu'on l'avait cru d'abord. Quand on prononça devant Locard le nom de Pierret, il eut un mauvais geste. Il ne l'aimait pas, c'était clair. Parbleu, on est bien libre d'aimer ou de détester qui on veut. Pierret, un fainéant. Pour ça, non, ça n'était pas juste. Mais en somme, qu'est-ce que ça faisait quand il s'agissait de la merveille des merveilles, comme il n'y en avait peut-être pas à la ville, en tout cas ni chez le maire, ni chez le receveur, pas même au château. On pouvait voir d'ailleurs, la vue ne coûtait rien. Ah, vraiment, pas même au château. Et quel effet dans la salle à manger, la grande salle à manger de la maison Locard, en face du grand buffet ciré, quand enfin il faut une horloge. Autant acheter du bon et du beau que de la camelote. C'est vrai que 100 écus, mais pour lui, il n'en était pas à 100 écus près. Locard, en causant, buvait beaucoup. Il commençait à s'échauffer, disant oui, disant non, jurant, sacrant, consentant, aller faire un tour jusque-là, puis se dédisant. Vrai, on dirait que vous avez peur d'aller chez Pierret. Peur? Je me moque bien de Pierret. Allons. Le petit horloger était à son établi, la loupe à l'œil, courbé sur une montre qu'il touchait de sa pointe d'acier. Il ne regardait pas au dehors, certes non. Pourtant, il vit très bien le groupe s'approcher, à telles enseignes qu'il eut aux lèvres quelque chose qui ressemblait à un sourire. Il espérait vendre. Et c'est toujours agréable de gagner de l'argent, n'est-il pas vrai? Locard entra. « C'est ça, » fit-il avec une moue de dédain. En vérité, il ne disait pas ce qu'il pensait. Il était ébloui. Mais il ne faut jamais voir l'air. On se ferait voler. Pierret s'est élevé, poli. Locard lui tourna le dos, par hauteur évidemment. Bref, il en donnait 250 francs, tout de suite, comptant sur table, et encore, à une condition, c'est que la comptoise serait installée le soir même dans la salle à manger. Vous savez, la maison, la grande maison devant l'église. Qu'est-ce qui ne connaît pas la maison Locard? Dans une heure, la comptoise y serait. Et ce soir, les amis, vit Locard, il ne regardait toujours pas Pierret, bien entendu. Un bol de vin blanc, premier cru, nous boirons à la comptoise. C'est dit, à quelle heure? 9 heures. Monsieur Locard sortit, ayant jeté 100 francs d'art sur l'établi. Pierret, resté seul, brûla le billet à la flamme d'une allumette. Puis il alla dans la pièce du fond, d'où il rapporta une petite caisse sur laquelle il y avait des étiquettes en anglais. En s'approchant de la comptoise, il ouvrit la boîte du mouvement, sans doute pour le régler. Elle est à sa place, bien campée dans sa gaine qui reluit. Le balancier fait son tic-tac lent et doux. En vérité, elle est d'un effet merveilleux, entre les faïences campagnardes et les gravures à teinte rose. Autour de la table, d'où pointent de longs coups de bouteille, Locard et ses amis boivent, rient et chantent. Bombance! La grosse servante se pâme d'aise. Ah, la maison ne sera plus si gaie quand la madame y sera. Que voulez-vous? Il faut bien faire une fin. Et puis, quand on a des moyens comme monsieur, on peut bien se payer une femme à soi tout seul. 11 heures. La comptoise sonne. Tout le monde se tait, Locard savoure. Quelle voix? On dirait un chant. On l'écouterait toute la nuit. Ma foi, on attendra minuit. La sonnerie battra son plein. Plus de vin? Eh bien, du punch. Et on le brûlera, on éteindra les lumières. À minuit, ce sera drôle, avec la comptoise qui roucoulera. Ils sont à demi-ivres. La chaleur est étouffante. Entr'ouvrons la fenêtre. D'ailleurs, il est bon qu'on sache qu'on ne s'ennuie pas chez M. Locard. Attention, -5. 1, 2. Allumé, punch! La flamme jaillit du saladier, la cuillère tourne dans le flot qui jaillit en langue jaune et bleue, le sucre grésille, éteignez la lampe! Les faces congestionnées prennent des reflets violacés. C'est très joyeux. Chut, elle sonne. Non. Jacques Locard. Jacques Locard. Hein? Qui a dit cela? Qu'est-ce que cette voix vieillotte est fêlée? D'où sort-elle? Jacques Locard. À vous. À vous. Folie, qui parle? Et Locard, quelle est cette farce? Comme tu es pâle. La voix a l'air de venir de la cave. Jacques Locard, tu es un assassin. Ce n'est pas vrai, qui a dit cela? Celui-là en a menti. Jacques Locard, c'est toi qui as tué le vieux Perret. Assassin! Il y a des cris, des hoquets, des râles. Locard s'est dressé, éperdu, fou. Il porte sa main à sa cravate pour l'arracher. La voix continue, impitoyable, toujours cassée, toujours fêlée, lointaine, comme si elle venait d'une tombe. Elle répète, répète, répète le mot assassin. Lockhart tombe à genoux, se relève, retombe. « Eh bien oui, il avoue, oui, c'est lui qui a tué le vieillard, qui l'a volé, mais que la voix se taise !» Elle ne se tait pas. On dirait une mécanique qui marche. Lockhart dit que c'est la comtoise qui parle. Il s'accroche à elle, la secoue, l'entraîne, la renverse. Le mouvement roule sur le plancher et avec lui un rouleau couvert d'un papier métallique. Pierre, qui était aux écoutes, saute de la fenêtre et saisit Lockhart à la gorge en criant « Vous êtes tous témoins, cet homme est l'assassin de mon père !» « Et voyez, messieurs les jurés, s'écrie le procureur général, de quelle utilité sociale sont les progrès de la science ? N'est-ce pas un trait de génie de la part de cet humble horloger que d'avoir utilisé, en l'adaptant à un mouvement d'horlogerie, l'immortelle invention d'Edison, le phonographe ? » C'était La Comtoise par Jules d'Hermina.